Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'écrasement d'avion qui changea l'histoire de la musique. Dans l'histoire du rock, s'inscrit au premier plan l'accident d'avion qui a coûté la vie à Ritchie Valens, au Big Bopper, et à ce remarquable compositeur, interprète et innovateur que fut Buddy Holly. Buddy Holly n'avait que 22 ans. Il laisse derrière lui 120 enregistrements, source inépuisable d'inspiration pour de nombreuses vedettes des années 60, les Beatles, Eric Clapton, Tom Paxton, Bob Dylan et d'autres. C'est le 3 février 1959 que tout s'arrête brusquement pour Buddy Holly, Ritchie Valens et le Big Bopper. Trois des voix les plus prometteuses de la musique rock s'éteignent abruptement. Leur talent est si grand qu'on parlera même de cette tragédie du 3 février 1959 comme du jour où la musique est morte. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Extrait de la chanson de Don McLean, American Pie, Marie-Christine Blais, journaliste à la Presse Plus, bonsoir. Bonsoir. The Day the Music Died. Cette chanson-là, qui est devenue un classique de Don McLean, qui sera reprise par Madonna, fait référence directement à cet écrasement d'avion du 3 février 59. C'est pas rien. The Day the Music Died. Qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Pourquoi c'est si important dans l'histoire de la musique, cet écrasement-là? Bien, on pense aujourd'hui que si certainement Buddy Holly, en tout cas, et peut-être Ritchie Valens, n'était pas mort à ce moment-là, très, très jeune, Ritchie Valens avait 17 ans, hein, tout jeune, sans doute que l'histoire du rock n'aurait pas été la même. Le fait qu'ils aient vécu, en tout cas, a changé de toute façon l'histoire du rock, mais il y a aussi dans ce titre un peu tragique et dramatique, le fait que une des chansons de Buddy Holly, une des plus célèbres, qui s'appelle « There'll be the day », dit à un moment donné, enfin, il raconte « Bon, tu vas me quitter un jour, mais ce n'est pas grave, car that will be the day that I die. » Et donc, à partir d'un clin d'œil un peu triste, bien sûr, il y a donc ces grands titres qui apparaissent. Et Don McLean, qui, à l'époque, comme il le raconte dans la chanson, est camelot, il passe les journaux et il voit ça en première page, quand il est question de The Widowed Bride, c'est la jeune femme de Buddy Holly, qui est aussi toute jeune, qui est enceinte de 6 mois. Quand il lit ça, pour lui, qui aimait passionnément la musique, il y a une certaine Amérique aussi qui meurt, une Amérique assez innocente, et tout le texte de sa chanson, après d'ailleurs, va parler d'une Amérique en mutation qui entre dans les années 60, qui essaie toutes sortes de choses. Ce qui est certain, puis je l'évoquais, c'est parmi les voix les plus prometteuses qui meurent dans cet accident-là. Puis il y a peut-être quelque chose d'inexplicable. Moi, en préparant l'émission, je crois me souvenir que mon père, qui n'était pas un maniaque de musique, mais quel âge qu'il a, m'a parlé de ça. Ça a frappé. Mais Buddy Holly c'était énorme, Buddy Holly. On peut pas s'en rendre compte aujourd'hui parce qu'il n'a pas vécu assez longtemps. Mais il avait tellement de succès à tout juste 22 ans, une œuvre quasi complète derrière lui. Et c'est quelqu'un qui croyait à l'autogestion des artistes. C'est assez rare. Et d'ailleurs, ça a pris des décennies avant que ça devienne vraiment quelque chose que les artistes envisagent pour eux-mêmes, s'occuper de leur truc, vérifier leur contrat, c'est pas une mauvaise idée. Qui s'intéresse à la réalisation, qui aime tous les genres de musique. Il est très moderne. Il est très, très contemporain. Ouais. Qu'est-ce qui se passe le 3 février 59? Alors, le 2 février, ils sont dans une gigantesque tournée qui s'appelle The Winter Dance Party. Ils font 24 spectacles en 24 jours dans le Midwest, 24 villes. Et leur autobus de tournée n'est pas chauffé adéquatement. Enfin, il y a un problème, au point d'ailleurs que le batteur de Buddy Holly doit être hospitalisé pour engelure. Il fait tellement froid, c'est l'hiver, on est en février, dans le Midwest, c'est pas drôle. Tout le monde a mal à la gorge, ça va pas bien, ils sont épuisés. Alors, ça fait à peu près, quoi, une dizaine de spectacles qui ont eu lieu. Et Buddy Holly n'en peut plus. Et en plus, ça fait sourire aujourd'hui, mais il aimerait laver ses vêtements. Parce que depuis le début de la tournée, il n'a pas pu laver ses vêtements. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Il passe de... Alors, il s'est dit, j'ai une idée. On va louer un petit avion. Et puis, moi et mes deux musiciens, on va aller dans la prochaine ville. On va faire notre ménage. On va se reposer un petit peu. Et puis, comme ça, on va arriver un peu plus tôt, donc la veille. Et on va pouvoir prendre un peu de repos. Les deux musiciens qui sont donc les musiciens de Buddy Holly acceptent. Enfin, il y en a qui disent ils ont lancé une pièce, puis c'est plutôt Claude qui est allé. Bref, quoi qu'il en soit, ce sont les trois grands noms de l'affiche qui finalement vont embarquer dans un tout petit avion de rien du tout où il n'y a que trois places plus celle du pilote. Ils partent vers 1h du matin, donc ils sont arrivés la veille le 2, le 3, vers 1h du matin, l'avion décolle et quelques minutes après, vraiment pas beaucoup de temps après, l'avion crache brutalement. Et bien sûr, les quatre occupants du petit avion meurent instantanément sur le coup. Et neige, Marie-Christine, on est dans le Midwest en février. Pourquoi partent-ils? Parce que d'abord, ils sont épuisés, mais aussi parce que je pense qu'ils ont l'idée qu'ils vont être meilleurs sur scène. Après, c'est reposé. Et ils font appel à un jeune pilote inexpérimenté. Aujourd'hui, on pense que, certes, les conditions météorologiques n'étaient pas géniales, mais à l'époque, comme aujourd'hui, on prend aussi un avion quand même quand il ne fait pas beau. La vie n'arrête pas pour ça. Mais le fait que le pilote qui a tout juste 21 ans, ils sont tous jeunes à bord de cet avion, aurait fait une manœuvre mal pensée dans des conditions difficiles. Son expérience n'était pas suffisante pour faire face à cette tempête. Et ça donne cet écrasement. Trois des musiciens les plus prometteurs de leur génération qui meurent instantanément dans cet accident d'avion. Richie Valens, Big Bopper et Buddy Holly. Now from Lubbock, Texas, for all of the youngsters of the country, we bring back the crickets. Now, Texas boys, do it. Buddy Holly et son groupe de crickets au Ed Sullivan Show, c'est un passage obligé, mais c'était pas rien. Quand on faisait le Ed Sullivan Show, ça disait tout déjà. Oui, tout à fait. En décembre 57, il a 22 ans quand il meurt en 59. C'est déjà une vedette. Tout à fait, tout à fait. Petit génie musical. Oui. Hein? N'ayons pas peur des mots. Quelqu'un qui, vraiment, depuis qu'il est né au Texas, qui baigne dans la musique et qui a une espèce d'intelligence de la musique, qui voit d'ailleurs que c'est, je dirais pas une industrie, mais c'est un art complet en soi. Ce n'est pas seulement du divertissement. Et d'ailleurs, certaines des chansons de Buddy Holly, qui sont peut-être moins populaires, sont vraiment des textes introspectifs très chargés. Il est donc... très aussi, comment je dirais, il s'occupe énormément des autres musiciens. Il veut que les conditions de travail des musiciens soient meilleures. Il prend sous son aile, tout jeune qu'il est, il prend sous son aile certains jeunes musiciens pour les aider. Et donc, quand il meurt, il y a aussi une façon de faire la musique qui n'existait pas à l'époque, qui meurt un peu avec lui. Et je pense encore qu'aujourd'hui, on ne mesure pas à quel point il a fait l'objet d'un culte aux États-Unis, il est texan, mais surtout en Grande-Bretagne. Et l'importance de Buddy Holly en Grande-Bretagne, d'abord, son groupe s'appelle The Crickets. Les Beatles, qui vient du mot Beatle, qui veut dire coccinelle, c'est un coup de chapeau au groupe de Buddy Holly. Les crickets, les coccinelles et les criquets. La toute première chanson que John Lennon et Paul McCartney vont enregistrer, ils font un petit démo à côté, avant d'être les Beatles. Ils s'appellent encore The Quarrymen. C'est I'll Be The Day de Buddy Holly. Tellement ils aiment ce qu'il fait. Les Rolling Stones en 64 reprennent Not Fade Away. Ça devient leur premier grand succès. Tous les artistes britanniques ont adoré Buddy Holly. Donc, toutes les chansons ont été dans le top 10, à peu près toutes. Puis on se fait plaisir, on va l'écouter, cette chanson que vont reprendre les Beatles, mais par Buddy Holly, That'll Be The Day. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, cause that'll be the That'll be a day, donc reprise par les Beatles, avant même qu'ils soient Beatles d'ailleurs, oui, hein, Paul McCartney, oui, John Lennon, oui. Premier enregistrement des deux gars. Il meurt à 22 ans, Buddy Holly. Sa musique, il va avoir inspiré plein de monde, les Stones, les Beatles et bien Paul d'autres. Paul McCartney va racheter d'ailleurs le catalogue de toutes ses chansons. Tellement il aime Buddy Holly, il va même créer une Buddy Holly Week. Qui existe toujours. Qui existe toujours en septembre, le mois anniversaire de Buddy Holly. Il y a toujours des choses autour de la vie et de l'œuvre de Buddy Holly. Parce que sa vie, son œuvre, sa musique vont lui survivre. Ce sera le premier à être intronisé au temple de la renommée du rock. Oui, oui, en 86, alors qu'on, pour la première fois, on a ce temple de la renommée qui naît, le Hall of Fame, Rock and Roll Hall of Fame, le premier à être reconnu, à être nommé, comment dire, prestigieux, ouais. être un des prestigieux membres, peut-être un peu un des éternels musiciens, justement, c'est Buddy Holly, parce qu'il a vraiment donné... une impulsion particulière à la musique américaine à l'époque, qui commence à connaître, d'ailleurs, qui va aller vers les années 60 à partir de là. On n'a plus qu'imaginer ce que Buddy Holly aurait fait. Et puis un look, déjà pour l'époque, écoutez... Encore aujourd'hui, tu regardes Buddy Holly, tu dis, waouh, je veux avoir le look de ce gars-là. Avec ses grosses lunettes. Tout à fait. Les hipsters du monde entier, aujourd'hui, doivent se dire, ah, il y a une source d'inspiration là, parce que il est beau, mais d'une façon tout à fait particulière. C'est pas le beau gosse aux cheveux blonds avec les yeux bleus. C'est il a l'air d'un intellectuel. Ben voilà. Écoutez, en préparant l'émission, c'est une entrevue en anglais, puis j'ai décidé de pas retenir l'extrait, mais ce look d'intellectuel dont vous parlez, un animateur radio lui dit, mais ouais, Buddy Holly, vous faites pas du jazz un peu, il me semble que... Et non, il veut absolument pas faire du jazz. Non, il non, est non. presque anti-jazz. Il dit, ben c'est parce que ça doit être les lunettes. Mais, ouais, mais ouais, c'est oui. ça. C'est ça. C'est vraiment... Et puis, je pense qu'il devait sans doute aimer le jazz, mais pas fou. Il aime mieux pas trop le dire. Déjà qu'il vient du country, du rockabilly, ouais. et qu'il fait du rock et du rock'n'roll. Mais c'est un des tout premiers, par exemple, dans l'univers de la musique populaire, à mettre des chansons un peu plus rock, plus rythmées, avec un grand orchestre, comme vont le faire plus tard les Beatles et bien d'autres. Donc, c'est à ce titre-là qu'il est important aussi. À présent, la plus étonnante révélation du rock'n'roll cette année. Le guide de Californie, j'ai nommé Richie Valens. Un petit coup de serpent à sonnette. On aura beau dire, Marie-Christine Blais, on danse, c'est bon. La Bamba, le grand succès de Richie Valens, ça nous amène donc à cette deuxième grande voix qui s'éteint en février 59 dans ce crash d'avion. Extrait du film La Bamba du réalisateur Luis Valdés qu'on entendait. Richie Valens, il a 17 ans. 17 ans. Quand l'avion s'écrase. Oui, et là, encore là, énormément de succès. C'est vraiment, je pense qu'on peut le dire comme ça, un des tout premiers guitar heroes. C'est vraiment un guitariste mythique. Parce que, il faut le lire pour le croire pratiquement, mais sa toute première guitare, c'est lui qui l'a construite. Elle est littéralement faite à la main. Et il en joue très bien. Donc, c'est pas parce que ça doit être un très bon instrument, mais il apprend finalement à jouer là-dessus. Il écrit beaucoup, il compose beaucoup. Il est d'origine mexicaine. Et donc, il s'inspire à la fois de la musique mexicaine, mais de toutes sortes de choses autour de lui. Et puis à peu, il va avoir une très bonne guitare aussi, ça va aider. Mais il se met donc à composer et il a cette idée de la bamba, par exemple, qui est vraiment inspirée de la musique mexicaine. Une chanson comme Donna, qui est vraiment une très, très, très belle ballade. Ouais. Et il sera reprise aussi. Je ne sais combien de fois, parce que elle a un souffle particulier et lui-même, semble-t-il, de ce qu'on sait sur scène, dégage vraiment quelque chose de magnétique. Et il est tout jeune, c'est un enfant pratiquement. Ouais. Et donc, J'essaie des fois, en préparant cette émission, j'essaie de les imaginer dans le cockpit de l'avion. Et réalisant que leur vie, ils ont dû pendant une seconde se dire, mon Dieu, c'est fini. Oui. Et c'était la fête, c'était des gamins. Oui, tout fiers, ils avaient froid, tout mais oui, bon. Mais on prend l'avion, ça ira plus vite. Je laverai mes vêtements. Et puis voilà, pour ce qui est de Buddy Holly, youpilou, la vie est belle. Oui, exactement, ouais. Exactement. Ils y croient. Et donc, quand Ritchie Valens va mourir, c'est aussi, je crois, une influence mexicaine ou hispanique sur le rock qui va mourir. Quand Carlos Santana, des années plus tard, va arriver, ça va revenir un peu. Mais je donnerais n'importe quoi pour essayer d'entendre qu'est-ce que ce serait devenu le rock si le côté Chicano de Ritchie Valens était demeuré. Vous parliez, Marie-Christine, aussi de son exceptionnel talent de guitariste. Allez, on se fait plaisir. Écoutez le riff, un autre petit coup de bamba. La troisième vie fauchée dans cet accident d'avion de février 59, Marie-Christine Blais, celle du Big Bopper, auteur de ce, vous allez tous le reconnaître, de ce méga succès. Hello, baby! Yeah, this is the Big Bopper speaking. Oh, you sweet thing. Do I want? Will I want? You know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down. Wiggling a walk and a giggling a talk. Make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny. Make me spend my money. Make me feel real loose like a long-necked goose. Like a girl. Oh, baby, that's what I like. What's that, baby? Gros succès à l'époque. C'est toute une époque. Ça, faudrait faire une analyse comparative, là. Ce qui reste de la musique de Buddy Holly, ça, c'est vraiment très, très campé, ce qu'on vient d'entendre. Oui, mais c'était ça. Oui, et puis le rock humoristique est aussi très sexy, parce que quand on écoute le texte de cette chanson, c'est chargé, hein, on va dire ça comme ça. C'est quand même, ça a toujours été une tendance marquée dans le rock. Dans le cas du Big Bopper, qui s'appelle en fait J. Perry Johnson, qui est un disc jockey qui est devenu chanteur, lui, c'est le plus âgé du groupe. Il a 28 ans, il peut se permettre ce propos un peu plus osé qu'on reconnaît un homme qui a vécu, qu'on accepterait peut-être pas dans Ritchie Valens, par exemple, qui est très jeune. Ouais. Et donc, ce monsieur, parce que il s'appelle The Big Bopper parce qu'il est assez corpulent, il a un rhume carabiné, il a de la difficulté à chanter, et c'est la raison pour laquelle lui embarque à bord de l'avion, c'est que vraiment, il en peut plus d'avoir froid, et il est tellement, tellement malade qu'il a besoin donc d'aller se reposer. Mais il ne sera plus jamais malade après ça. Ouais. Revenons un petit peu sur ce qui se passe le 3 février 59 et sur ce que ça veut dire pour la musique. Je reviens à cette chanson-là, c'est très très fort, de Day the Music Died, cette phrase dans la chanson American Pie. Ça suggère une question, Marie-Christine, de Day the Music Died. Qu'est-ce qui se serait passé si l'écrasement n'était pas arrivé, en fait? Et encore aujourd'hui, il y a des études décrites sur le sujet, il y a des experts qui se posent la question, il y a tout un univers un peu parallèle qu'on aime imaginer. Beaucoup d'exégètes de la musique rock pensent que sans doute Buddy Holly se serait tourné de plus en plus vers la réalisation et aurait donné sa couleur comme réalisateur à de jeunes musiciens, parce qu'il avait vraiment un talent fou pour entendre ce que la musique devait être. C'est ça le travail d'un réalisateur, c'est entendre quelque chose, dire ah, ça pourrait être tellement plus ou mieux ou plus fort. Donc il a ce don là. c'est difficile, bien sûr, de se dire que serait-il arrivé. De la même manière, qu'est-ce qui serait arrivé quand si Otis Redding, qui lui était une grande vedette du soul, n'était pas morte, elle aussi, dans un écrasement d'avion. Qu'est-ce qui serait arrivé dans la musique R&B? On ne peut pas le savoir. Et puis le jeu qui aurait existé entre... Parce que Buddy Holly, qui inspire donc les Stones, qui inspire les Beatles... Eric Clapton, enfin, un nombre incalculable de gens. Mais s'ils avaient... tout ce monde partager la même scène, entre guillemets, en même temps. Est-ce que les Beatles auraient été ce que les Beatles deviendront? Peut-être pas. Des fois, quand j'écoute du Buddy Holly, j'entends Paul McCartney, j'entends John Lennon faire du Buddy Holly dans ce qu'ils ont fait. Je parle bien sûr des toutes premières années de leur répertoire. Il est possible que si Buddy avait été là, il ne l'aurait pas fait. Puisque le vrai, si je peux dire, était encore de ce monde. Donc, est-ce que nous aurions eu les Beatles? Bonne question. Pas de réponse. Mais j'aime à penser, en tout cas, que jusqu'à la fin, justement, les Beatles ont régulièrement parlé de Buddy Holly, de l'importance qu'il avait eu pour eux. Ils n'ont jamais caché leur amour pour cet artiste complet, bien que très, très, très jeune. Et à cet égard-là, ce que j'aime beaucoup de la chanson American Pie de Don McLean, c'est oui, ce jour-là, peut-être que la musique est morte, mais grâce à la musique, ces musiciens ne le sont pas. Mm-hmm. On parle encore d'eux, vous et moi, Jacques. On est là et on parle de Buddy Holly et on parle de Ritchie Valens, on parle du Big Bopper. Donc, à cet égard-là, la musique a peut-être fait ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire nous rappeler tout ce qui a été avant nous et qui nous nourrit encore et qui est encore présent. C'est pas un hasard si Madonna en 2000 reprend la chanson de Don McLean. C'est pas un hasard si American Pie, dont le manuscrit s'est vendu dernièrement aux enchères à 1,2 million américains, c'est une chanson qui est tellement forte parce que son point de départ, qui est la peine d'un jeune Don McLean qui passe le journal, est au cœur de la chanson. Et puis parce que une jeunesse frappée aussi durement, aussi rapidement, ben ça émeut ces Beatles de 59 et ça nous émeut nous aujourd'hui. Oui. Et ça reste et ça émeut Madonna plus tard. Enfin, près de 60 ans plus tard, ils sont encore jeunes pour toujours aussi. Marie-Christine Blais, merci beaucoup Marie-Christine, journaliste à la Presse Plus, amoureuse de musique et collaboratrice régulière à cette émission. Merci beaucoup, Marie-Christine. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado de diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.